parte de compa. Dis-moi ce que tu veux, bébé, qu'un peu par le cash. J'écoute fort comme mes couilles, j'parie pas, mais j'bête au 4. 3 minutes, 4-4. Roule comme dans Mario Kart, prends ma boisse au pack-pack. Au passage, j'rarasse mon ardoise. J'traînerai pas mes Nike Air dans le fond de ta boîte. J'suis rallié, ça se voit, Lynn m'a niqué la voix. Des poches, t'en veux, j'envoie. Speed et restera, et jamais ne changera. Silence quand j'rec, laisse bouger quand j'rappe. Dans le thème, elle, j'me touche et tout. Veux que j'mette les bouchées doubles, j'lui rapporte sa dose. Ronge pas sur le matos, même fraîche. Comme un mentos, grosse, crois pas que c'est gratos. J'aime le cash, le cash, le cash. Depuis la crèche, il t'attend pas, non gros, il se cache. Donc toute la nuit, PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Il t'attend pas, non gros, il se cache. Donc toute la nuit, PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Toute la nuit, il se cache. PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Check ta peur, pas là pourquoi tu te caches. J'suis en bas de chez toi pour récupérer mon cash. Hey. Ah, toi t'as raté le coche. Nous c'est pas en branche, Léonina qu'on s'accroche. Oh. J'suis cher tricard, j'ai 10 grammes dans ma sacoche. Et sur le cloud, tu sais que l'ur on saccage. Oh, le poteau est interdit fâche. Pas là si tu parles mal sur toi, ça colle une fiche. Hey. Tu nous sous on le sait, c'est pas la peine d'en débattre. Si j't'aime pas, j'le dis. Pas la faute, genre ton blase. Ta mâche t'est touché. J'ai fait tomber ton masque. J'ai un peu mal au dos. J'suis avec ta gosse qui j'aime masque. Le cash, le cash, le cash. Depuis la crèche, il t'attend pas, non gros, il se cache. Donc toute la nuit, PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Il t'attend pas, non gros, il se cache. Donc toute la nuit, PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash. Toute la nuit, il se cache. PD, je le cherche. J'aime le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash.